Parasite, tous les dimanches soirs à 21h, c'est l'émission la plus métal de la bande FM. Au programme, vous retrouverez tous les artistes et les acteurs du hard rock, du thrash, du death et du black metal. De nombreuses nouveautés seront dans l'actualité chaque semaine, ainsi que les découvertes de nouveaux groupes. Les annonces de concerts ainsi que les interviews seront au programme. Alors n'oubliez pas, le dimanche soir sur Fly FM, Parasite, 21h, 23h. Bonjour. Et comme tous les week-ends, bien évidemment, il est 21h pile poil. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'émission Parasite, c'est 2 heures de hard rock, trash, death et black metal. Bien sûr, l'information, les nouveaux groupes, les annonces de concerts aussi, ben, les chroniques de concerts grâce à Sylvie Metal qui est là dans les studios. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Manu. Ça va bien? Oui, ça va, il fait chaud, mais ça va. Il fait très très chaud dans les studios de Fly FM parce qu'il y a les ordinateurs qui tournent en boucle. Et évidemment, on est en sueur. On a beau ouvrir les fenêtres, c'est bon, ça sent bon l'été en tout cas. Oui. Ça arrive. Tant mieux, tant mieux. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Un programme chargé ce soir, parce que tu reviens depuis quelques temps, hein, de Guéret pour le festival. Metal culture. Ouais. Ça, c'était très loin. Hein. T'as été où, dans le Limousin? Ouais, bah Guéret, oui. Très loin. Tu as ramené des bières en plus. J'ai ramené des bières. Ça fait bien ça. On va goûter un petit peu les produits du terroir. J'ai mangé les gâteaux, je suis désolée. Ah zut. Tant pis, on ne pourra pas goûter les gâteaux. C'est pas grave, c'est pas grave. Le programme est là, évidemment. Il y a aussi les concerts. Hein. Tu as fait pas mal de concerts aussi, nous aussi de notre J'en côté. J'en ai fait, je vais en refaire. Donc voilà, j'ai des petits flyers, quelques-uns. Ouais. Et c'est, rappelons-le, la fête des mères. Bonne fête, maman, qui est dans les studios de Fly FM. Je fais un gros bisou au direct. Voilà. Des fois, si vous entendez parler derrière, c'est elle. Elle t'entend pas. Elle a pas besoin de micro. Voilà, on commence comme ça l'émission. Il y aura des petits morceaux qui parlent de maman, évidemment. Il y aura Danzig qui sort un nouvel album, d'ailleurs. Et un petit souvenir avec Mother, évidemment, en fin d'émission. On garde ça, évidemment, pour la fin. C'est les classiques. Et puis, il y aura aussi un petit Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Allez, et puis ta programmation musicale qui est bien conséquente cette semaine en fait, Sylvie, donc on va en parler dans quelques minutes, puisque maintenant on va commencer avec un petit souvenir. C'est pas un vieux souvenir, mais quand même, Enemy of the Sun a sorti un très très bon album en 2010 intitulé Caidium. Ce sont des Allemands, on les écoute maintenant, on revient dessus parce que j'avais déjà passé à l'époque, mais voilà, c'est bien de revenir un petit peu en arrière et on commence l'émission Parasite avec ça. We'll be right back. FM à Entraigues sur 89.9. Eumérien, l'instant de l'émission Parasite. Et puis pour commencer l'émission Enemy of the Sun, c'est des groupes qui sont un peu disparus ces derniers temps. C'est bien malheureux d'ailleurs, parce qu'ils font une musique assez particulière, assez originale. Eumérien, c'est des Américains de Houston, dans le Texas. Ils ont sorti un album fabuleux en 2011, Rebel Mind, ce qu'on a écouté à l'instant. Et puis Enemy of the Sun, auparavant, pour commencer l'émission Parasite, c'était Caidium, le groupe Enemy of the Sun, qui n'a pas sorti non plus d'album depuis 2010. Bon, on attend des nouvelles, hein Sylvie, tu aimes bien? Oui. Pas mal quand même, hein? Bah, c'était bien, ouais. C'est bien pour commencer une belle émission Parasite. Et donc, tu es là pour parler de concerts aussi, donc tu en as fait quelques-uns. On n'était pas revenu dessus depuis un petit moment maintenant. Eh oui. Donc, le festival de Guéry, voilà, dont on vient de parler. Ouais. Metal Culture, donc qui mélange les expos, les conférences. Il y avait aussi Comte et Blessures, le film. Oui. Et puis, bon, des concerts sur 3 jours dans une petite chapelle. Donc, c'est à peu près 350. 350 personnes. 350 personnes et puis quelques petits concerts gratuits aussi dans la ville. D'accord, c'est un concept. Il y avait un film, tu me dis? Oui, c'était Comte et Blessures. C'est quoi, c'est un film qui parle de métal, de hard rock ou... C'est. Oui, bah en fait c'est le... Oui, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'est la difficulté d'un père avec son fils. Et le fils est chanteur dans un groupe de hardcore, hein, voilà, donc... Ah oui, je comprends les problèmes, hein, les parents, faut supporter. Oui, hein. Oui, mais bon... Ça me rappelle quelqu'un, d'être supporté Iron Maiden dans la chambre. Ouais. Ah oui, non. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la mère qui est là, qui surveille. Critique. Tu veux le micro? Bon alors Guéret, on revient à Guéret, ouais, c'était un bon festival alors. Oui, première oui, fois oui, que tu faisais. Oui, alors je conseille à tout le monde de prendre des duvets très très chauds pour la nuit parce que j'ai pas dormi tellement il faisait froid la première nuit. Au milieu des fougères, tu dors Non, au milieu des jeunes métalleux et de la bière et de leur guitare sèche. Ah oui, quand même. Ça a été un peu difficile, mais bon, j'y retournerai quand même, hein, donc... Bon, ben c'est bien, c'est tous les ans, ça. Oui, c'est tous les ans, je crois que c'était... Bon, c'était pas la septième édition cette année. Ah, déjà. Ouais. Donc, il y avait du beau monde, dont Bong Ziga. Ah, mais tu as vu aussi les Ghost Crappers qui étaient là-bas. Hein. Voilà, ouais, Les Ghost Crappers qui devraient venir à Fly FM pour leur promo du nouvel album et aussi pour annoncer leur concert. Enfin, annoncer, tout le monde le sait maintenant, première partie de Scorpion cet été, le 17 juillet. Aux arènes de Nîmes. Ouais. Voilà, si vous n'avez pas vos places, je crois qu'il en reste encore un petit peu. Ouais, à quel prix? 50 euros. 50 euros? C'est 50 euros. C'est pas cher. C'est pas cher. Par rapport au reste, c'est pas cher. Voilà, c'est pour ça que c'est pas complet encore. Et puis d'autres concerts, oui, c'est vrai, on peut annoncer les concerts dès maintenant. Tu voulais les annoncer ou pas? Tout de suite. Un peu plus tard. Oui. Plus tard, parce que là, tu as mis aussi quelques groupes qui étaient à Guéret, donc du coup, je vois le morceau. Le morceau de 9 minutes. Hein. Ouais. On pas le temps d'écouter tout, mais Year of No Light, c'est un groupe qui commence à être connu maintenant. Mais écoute, oui, moi je connaissais pas. J'ai recherché en rentrant un petit peu sur le net. Ils ont quand même joué à New York. Au Saint-Vitus, hein. Ouais. Du coup, juste avant eux, il y avait eu Bong Ziga, et les gars de Bong Ziga étaient dans la salle à les écouter, vraiment d'une oreille très attentive. Osterwelt, c'est l'album que tu as retrouvé, que tu as acheté là-bas? Oui, en fait. J'en ai acheté deux, j'ai pris un des deux pour ce soir. D'accord. Donc voilà. C'est dans une ambiance doom. Voilà. Doom, donc, je peux le dédicacer alors? Eh bien, tu peux le dédicacer, bien sûr. Ouais, je dédicace à David en espérant qu'il m'écoute. Ouais. Bon, je saurais peut-être pas, un petit SMS, je sais pas. Voilà. Allez, faut envoyer un petit SMS pour la preuve. Non, mais je l'ai prévenu avant. Ah, c'est vrai qu'il y a encore décidé aussi à faire gagner, quoi. Il y a décidé à faire gagner. Oui, ah, bah, oui. Super. On en parlera plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on écoute Year of No Light. Allez. dans l'émission Parasite jusqu'à 23h, l'émission la plus métal de la bande FM. Alors je rappelle quand même, je reprécise que l'émission s'arrêtera à la mi-juin en fait, on reprendra au mois de septembre, bien sûr, je préviens quand même. Et puis aussi la rediffusion de l'émission de ce soir, de ce dimanche soir, ça sera vendredi à partir de 22h. Voilà, et ensuite il y aura les podcasts qui seront disponibles le week-end prochain. Sylvie, donc on vient d'écouter Year of No Light, un groupe de Bordeaux en Aquitaine. Un groupe de Bordeaux. En Aquitaine. En Aquitaine. Ouais. Avec deux batteurs, deux bassistes et deux guitaristes. Voilà, ils luttent contre le chômage, c'est bien. C'est bien. C'est le deuxième album qu'on a écouté en fait. Leur premier album est sorti en 2006. Et Osservelt, qu'on vient d'écouter à l'instant, est sorti en 2010. Mais alors donc, tu me dis, c'est un groupe qui joue qu'en instrumental. Oui, oui. Il n'y a pas de chanteur. Il n'y a pas de chanteur. D'accord. Et ils ont 5 albums à leur actif. Il y a un dernier split CD qui est sorti en 2015. Intitulé Bagarre Générale. Voilà. Enfin, Bagarre Générale, Year of No Light. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Bagarre Générale et Year of No Light. Donc, c'est un split CD. D'accord. Voilà. C'était pour les infos. Et ensuite, à Guérin, il y avait quoi d'autre? En groupe? Ah oui? Eh ben, écoute, il y avait Black Bomba, il y avait oui. Moonreich, il y avait Gorod, il y avait Seven Weeks, ils sont là-bas, il y avait Loot Blast. Seven Weeks, c'est vachement bien. Moi, j'ai bien accroché. Dernier album, mais vraiment excellent. Il y avait Gut Trapper. Ouais. Il y avait Clone en acoustique. Clone en acoustique, ça va être sympa, ça aussi. Eh ben écoute, ouais, j'y suis allé avec un des a priori et c'était super bien. Eh ben génial. Là. Il y avait ensuite, comment c'était, Lord Shade ou quelque chose comme ça. Je t'ai fait passer le CD là. Oui, je suis en train de le caler justement, c'est voilà. Pas ça calé. Lord Shade, on voilà, va écouter donc ça. Voilà, ils sont de Châteauroux. Ah, Châteauroux. Toujours dans les cousins. Eh oui, Châteauroux, pas loin d'Issoudun. Bah ouais. Alors on va écouter ça, c'est un beau produit en tout cas, beau Digipack. Donc ils sont de Châteauroux. Oui. C'est plutôt rare, hein, un groupe de Châteauroux. Oui, quand on est à Châteauroux, on part de Châteauroux. Hein. On fait pas un groupe. Hein. Bah, la route est toute droite pour aller à Bourges et ensuite à Paris. Donc c'est pas compliqué. Mais bon, ils sont restés apparemment. Mais écoutez ça, moi ça me fait bien de découvrir un groupe de Châteauroux. Châteauroux, c'est quand même beaucoup plus petit que Bourges, mais à Bourges, il n'y a pas de groupe métal, donc on va découvrir ça. Ben vas-y, allez. Voilà, tu les avais en concert, c'était bien. C'était super. Allez, on écoute. Yeah. vraiment très très bien ce groupe, hein, Sylvie. Ah, du death metal. Death mélodique, ouais. Un peu par certains côtés. Bien, hein, Châteauroux, hein, finalement, revient en pleine forme. Et je ne connaissais pas aucun groupe de cette région, enfin, en tout cas de Châteauroux, pas du tout. Hein. Lord Shade, avec cet album The Rise of Meldrak-Nok. Je pense que c'est un album concept, à mon avis. C'est très bien, il y a des morceaux longs aussi, hein, comme le doux, hein, finalement. Mais là, c'est bien plus travaillé, en tout cas. Enfin, je trouve plus technique, on va dire. Voilà. Allez, on va enchaîner un petit groupe qui m'a bien plu l'année dernière, que j'ai découvert, en fait, l'année dernière. Le groupe s'appelle Beyond Creation, et je pense que tu connais aussi. Hein, c'est du brutal et du technique. Oh yeah. Voilà, à l'instant, nous étions au Canada, évidemment. En Canada, sur KFM, avec le groupe Beyond Creation, qui a plusieurs albums à leur actif. Enfin, il n'y en a que deux, en fait. The Aura, sorti en 2011, et on vient d'écouter l'extrait. Pour le premier album, je trouve que le son est vraiment plutôt carton. Et le deuxième album, sorti en 2014, Earthborn Evolution. Ça, je demande à écouter, à voir, à écouter. Ouais. Bonjour, les sons parasites, avec Sylvie et Manu, c'est 23h. Je viens d'avoir confirmation en direct hein, sur Facebook. Évidemment, vous pouvez nous envoyer vos messages sur Manuar Fly FM, ma page Facebook. Et donc, c'est Thierry qui nous envoie un petit message pour nous confirmer que les Ghost Crappers seront bien dans l'émission Parasite. Ce sera le 11. Voilà, ce sera la dernière émission de Parasite, en fait, avant le mois de septembre. Donc, c'est très bien. Les gars, je suis très content. Et vivant que vous soyez là. Les Ghost Crappers, c'était bien aussi, hein, Guéret. Oui, oui, super. Ouais. Tu m'aurais dit que c'était nul. Ils étaient pas contents, là. C'était bien. C'est oui, rock'n'roll, hein, toujours et encore. Oui, hein. Oui, je connaissais pas du tout. En plus, ils m'en avaient parlé plusieurs fois, mais j'ai bien aimé. Un peu, un petit côté un peu bluesy, je trouve, aussi. Ouais, très rock'n'roll. Hein. Ouais, ouais. Super, super. Ouais. Il y a ma mère qui parle à côté, ça fait un parasite. C'est pas grave. Non, vas-y, continue. Hein. J'avais pas de musique de fond, justement, ça tombe bien. Eh oui. Bonne fête des mères. On n'a pas dû l'inviter finalement. Oh là là, t'as pas honte. Gros bisous, mais tu n'as j'ai pas honte, honte. J'ai honte. Ah j'ai bah honte ouais. De l'avoir invité. Allez, mets-toi sous la table. Ouais. Allez, allez, allez, on reste en musique bien sûr. Les Ghost Crappers, ouais, ils ont un nouvel album, donc on le passera la semaine prochaine, déjà pour annoncer leur venue, puis pour voilà, se préparer à chanter avec eux à Scorpion le 17 juillet, en première partie de Scorpion, donc ce sera aux arènes de Nîmes. Il y aura d'autres concerts aussi, hein, le Brutal Metal Festival, le Trash Bash, ce sera samedi ou le 3 juin, c'est quand c'est samedi. C'est samedi, hein, c'est ça. Ce sera le dernier Trash Bash avant, saison, avant septembre, saison. Ouais. Ouais, voilà. Avant septembre, je crois qu'ils reviennent au mois de septembre, ils ont déjà annoncé un Trash Bash 9. Alors que là, ce sera le Trash Bash numéro 8. Bah. Ça a été vite, hein, en moins d'un an et demi. Là. Franchement, ils ont fait pas mal de concerts. C'est très très bien. Il y aura Necro Witch à l'affiche. Donc venez samedi soir. Les voir à Avignon. La salle de concert, c'est le quoi? Le Bandidos. Le Bandidos, voilà. Très bien. On va continuer en musique. Qu'est-ce que j'ai sous le coup? Moi, j'avais... Ah bah... Le dernier album de Scalmall, tu vois, j'ai un peu zappé ces derniers temps. Scalmall, ils sont venus la dernière au Hellfest, on s'est régalé évidemment, avec la petite Nora Minkoksuka, à qui on fait un petit kissou. Hier soir, ils sont partis très tard. On a fait une bonne soirée hier soir, ouais. Très très bien. Scalmall, on adore évidemment, on écoute un extrait, puis on revient juste après. Yeah. Très bon groupe à l'instant, évidemment, toujours dans l'émission Parasite. Alors donc, ce groupe, on les a vus l'année dernière pour le Hellfest avec, évidemment, Nora, qui vous a accompagné jusqu'à Clisson, hein, en bagnole. Donc, on s'est bien régalé. Et on a vu, évidemment, Skalmold, le groupe donc islandais. Il n'y en a pas beaucoup, des groupes islandais. Et moi, je ne connais d'ailleurs qu'un seul, parce qu'à part Björk, mais c'est pas un groupe. Il n'y a pas beaucoup. Hein. À part des volcans, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Mais pour arriver à faire un groupe, ben, c'est compliqué. En tout cas, suivez-les. Ils sont vraiment pas mal, très intéressants. Ils ont déjà fait un concert symphonique avec un orchestre symphonique. Hein. C'est balèze. Ils ont fait même leur DVD avec. Voilà, à suivre de toute façon. Et aussi, on a des nouveaux. Hein. Tu as réussi à trouver le CD de Pilar. Mais bien. Oui. Enfin. Très, très bien. Hein. Je crois qu'ils sont en train de préparer un nouvel album. Enfin, un nouvel album. Je les avais vus en première partie de d'Oufo Mammouth et là ils sont repassés la semaine dernière où il y a 10 jours à l'Humus à la Farge des Oliviers avec deux autres groupes pareil du même acabit. C'était très très bien. Ouais. Et donc j'ai acheté le CD à ce moment-là. Le petit CD démo en fait qui a été produit à Nancy, donc à Nancy on sait bien que c'est ils sont très bons au niveau du son. Et le produit revenu ici, franchement moi ça m'a cloué. Hein. Mais déjà au concert c'était vachement bien. Moi je les avais vus au Pen Mirabeau. Et déjà ça a bien marqué. Ils ont leur CD donc 4 titres. On va écouter Green Magic Ritual, c'est le premier morceau de leur démo. C'est même pas une démo en fait, c'est un mini-album. Hein, Oui. Et là on tombe dans le sludge metal. Dans le sludge. On appelle ça comme ça, ouais. Un peu doom, un peu sludge. Oui, un peu stoner. Ouais, et on attend vraiment le premier album avec impatience. Hein. On verra ça, peut-être à la fin de l'année. Bah, j'espère. FM à Pernes-les-Fontaines sur 89.9. Américain Night Demon qui reprend du Queen à l'instant, We Will Rock You, version live à l'époque de Queen. Il y avait deux versions évidemment, We Will Rock You, et puis c'est pas, on peut pas le retrouver sur le dernier album de Night Demon parce qu'en fait c'est l'édition américaine et la version européenne distribuée par SVP ne l'a pas. Il y a aussi une reprise qu'on peut trouver aussi que aux États-Unis, reprise de Black Sabbath, époque Dio. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est le petit bonus qu'on trouve aux États-Unis, pas en France quoi. Enfin bon. Ouais, toi t'aimes bien Queen, hein? Oui. Hein? Vraiment? Je les ai vus il y a très très longtemps, ouais. À l'époque de David Bowie aussi? Non, oui, à l'époque de Freddie Mercury surtout. Ah, oui. Donc, ouais. Mm. Dans les années 80, j'ai... Ouais. Les années 80, ouais, ça devait être les tournées Magic, Magic ouais, Mystery. Justement, l'année où ils avaient chanté avec Bowie. Ouais. Under Pressure, quelque chose comme ah, ça. Bah, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Ah, alors, je ne suis pas trompé. Under Pressure, bah oui, c'est bien ça, c'était la bonne époque. Et après, ils n'ont plus tourné parce que, malgré. À cause de la maladie de Freddie Mercury. Ouais. Voilà, la reprise, elle vaut ce qu'elle vaut. Toi, t'as pas accroché plus que ça. Non. C'est une version vraiment heavy metal, ben, comme il a joué sur scène en fait. Hein. Elle est un peu différente. Mais je crois qu'il jouait les deux versions sur scène. Hein. Ça dépendait des jours. S'il bon, faisait beau, moi, je s'il pleuvait. Plus, ma mémoire me fait défaut. Ouais, ouais, ma mémoire et la bière me font défaut. Voilà, ça a coulé sous les ponts. Hein. Oui. Toujours en direct dans l'émission Parasite, il nous reste une petite heure ensemble et avec plein de musique encore. J'ai encore un petit peu de musique et on vient à ta programmation musicale. Qu'est-ce que j'ai sous le coude? J'ai un petit Witchery, quoi. Ça me manquait un petit peu Witchery, c'était un peu inspiré par Mercyful Fate, tous les groupes de la New Wave of British Heavy Metal, en plus péchu, en plus black metal. J'aimais bien ce groupe et ça c'est extrait du dernier album, on l'écoute et ensuite on revient à ta programmation musicale, à Guéret et puis aussi au concert que tu as vu, Sylvie. Au passager du Zing. Au passager du Zing. Aussi. Ouais, c'était pas, il n'y a pas longtemps ça. C'était mercredi. Voilà. C'est tout récent, c'est tout chaud. Allez, on écoute Witchery.